rap, mais je veux pas de bling bling. Faut débattre, faut blabla sur qui est un bon qui ne l'est pas. J'essaie de laisser de côté le tape à l'œil, tout le superficiel, vivre dans le réel. C'est sûr que c'est pas facile, car depuis tout jeune d'habitué, ça paraît normal, tomber dans l'engrenage, la pub, la télé, bah ça te retourne le crâne. Oui, je profite du jour le jour, je profite des vraies choses. Y'en a qui trouvent que j'exagère, mais j'écris avec franchise.